بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ندخل اليوم في الحديث 16، سجم حديث من هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن نبي سرمة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضر الله به، ومن شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui porte préjudice ou qui nuit, Allah lui nuira. Quant à celui qui, on dira, alourdit ou complique les choses, Allah lui compliquera les choses également. في هذا المعنى. بقول الحديث، je ne sais pas c'est quoi le حكم. Qu'est-ce qu'on dit les ulama par rapport à ce hadith. لكن ce hadith il a d'autres adillah qui confirment son sens. Comme va le prouver l'auteur. يقول هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة. Donc ce hadith est une preuve de deux fondements parmi les fondements de la charia. أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر. وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها فكما أن من عمل بما يحبه الله أحبه الله ومن عمل بما يبعده أبعده الله ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Donc il dit que l'un de ses fondements c'est que la rétribution est en mesure de l'acte. Si l'acte il est bien, cette rétribution sera bonne. Et s'il est mauvais, ben, il en sera de même. Si l'acte est mauvais, la rétribution sera mauvaise. Et cela fait partie de la sagesse d'Allah Azzawajal, qui doit être louée. Il dit, comme par exemple, quelqu'un qui fait un acte que Allah il aime, Allah l'aimera. Et celui qui fait un acte que Allah déteste, Allah le détestera. Et celui qui facilite un muslim, Allah lui facilitera en ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui soulage un croyant d'une affliction, Allah lui le soulagera d'une affliction parmi les afflictions du jour de la résurrection. Wallahu fi hajati al-'abd ma kana al-'abd fi hajati akhihi, que Allah est dans l'aide de son serviteur autant que son serviteur est dans l'aide de son frère. Wa kadhalika man darra musliman darrahu Allah wa man makara bihi makara Allah bihi wa man shaqqa 'alayhi shaqqa Allah 'alayhi. Il est dhalika min al-amsilati al-dakhirati fi hadha al-asl. Et également, celui qui nuit un muslim, Allah lui nuira. Et celui qui complote envers un muslim, Allah complotera envers lui. Et celui qui rend les choses difficiles et compliquées, Allah en fera de même avec lui. Et autres parmi les adillah qui prouvent cela. Donc ça c'est le premier fondement. D'accord ? An al-jazaa' min jinsi al-'amal. Que la rétribution est en mesure de l'acte. Si tu fais du bien, tu trouveras du bien. Si tu fais du mal, tu trouveras du mal devant toi. Al-'asl al-thani man' ad-darar wal-madarra. وأنه لا ضرر ولا ضرار وهذا يشمل أنواع الضرر كله. Et le deuxième fondement, c'est le fait d'interdire toute nuisance de base, comme dans le hadith, nulle nuisance à autrui ou même à soi-même, que tout ce qui pose, cause un préjudice à autrui, cela est interdit en religion, à autrui et à soi-même. الضرر يرجع إلى أحد الأمرين. إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. Et cette nuisance revient en deux choses. Soit que tu perds un intérêt, c'est-à-dire une chose t'a causé une nuisance dans quel sens, qu'elle t'a causé la perte d'une chose profitable, ou alors qu'elle t'apporte un préjudice en plus de différentes façons. Un mal qui te touche. D'accord ? فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس. Donc toute nuisance qui n'est pas méritée, qui n'est pas légitime, il n'est pas permis de la faire parvenir aux gens, de faire en sorte que les gens la subissent. Mais يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. Et qu'il est obligatoire à la personne de faire en sorte que son mal ne puisse atteindre les autres. C'est-à-dire si tu es une personne qui peut avoir des nuisances, même malgré toi, par ton comportement ou par des choses, tu ne peux en faire subir les autres. Même des fois on peut être nuisible, de façon volontaire, comme par exemple quelqu'un qui a mangé de l'oignon de l'ail avant d'aller au masjid. Ben lui, par exemple, il ne lui a pas permis d'aller au masjid parce qu'il sera nuisible pour les gens par son odeur. فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم الغيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الكربان وبيع على بيع للمسلم والشراء والشراء على شرائه. Donc cela concerne par exemple le fait de tricher, le fait de tromper lors des négoces, d'escroquer on va dire, de cacher les défauts d'une marchandise, d'accord, ou de bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est synonyme, tromper ou tricher, ou mentir, ou faire des formes de vente qui sont interdites comme une najash, et également de faire de vendre une marchandise sur une vente qui est déjà conclue. D'accord ? Quelqu'un a conclu une vente entre deux frères, une vente a été conclue, toi tu viens, et tu brises cette vente en proposant autre chose, alors que cela a été conclu. Cela n'est pas permis, cela revient à la nuisance. Il dit Kazalik, dans tout ce qui est des locations, ou dans toute forme de négoce, ou même la khidba, tu ne peux pas faire une ritba avec une femme qui a déjà été martouba par un homme. Demander la main d'une femme qui a déjà une ritba avec un autre frère. Tu n'as pas le droit de t'interposer et de t'immiscer entre deux. Tant que cette ritba a été conclue. Par contre, on parle dans le cas de quelqu'un qui est au courant. Si tu ne le sais pas, c'est autre chose. Ou kazalik pour un travail. Tu ne peux postuler pour un travail en vue de remplacer une personne qui à la base est apte à faire ce travail. Mais tu veux prendre sa place. Tout cela, ça rentre dans le madar al-mani anha, dans les nuisances qui sont interdites. Et il dit وَكُلْ مُعَمَلَةٍ مِنْ هَذَا النَّوْرِ فَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَارِكْ فِيهَا لِيَنَّهُ مَنْ دَرَّ مُسْلِمًا دَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ دَرَّهُ اللَّهُ تَرَحَّلَ عَنْهُ الْخَيْرِ وَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ الْشَرِّ وَذَلِكَ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ. Donc toute forme de négoce qui se base sur ces procédés de tricherie, de mensonge ou de tromperie, Allah n'y mettra aucune baraka, car cela cause nuisance aux musulmans. Et comme dans le hadith, celui qui nuit à un musulman, Allah lui nuira. Et cette personne-là sentira du bien pour se trouver dans le mal. Cela pour ce que ses mains auront accompli. Yaqul, كذلك يدخل في ذلك مضرة الشريك لشريكه والجار لجاره. Et cela concerne également les associés, les gens qui seraient associés dans un projet quelconque, que l'un des associés viendrait nuire à son associé, ou alors un voisin, avec son propre voisin, que ce soit par les paroles, par les actes. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَدَرَّةُ الْغَلِيمِ لِغَلِيمِهِ وَسَعِيهِ فِي الْمُعَمَلَاتِ الَّتِي تَدُرُّهُ بِغَلِيمِهِ. Également, ça concerne une personne qui aurait une dette, qui a contracté une dette envers une autre personne, et cette première personne, par exemple, nuirait à... comment on dit, celui qui prête de l'argent ? Débiteur. Débiteur. Il y a l'endetté et le celui qui prête de l'argent. Bref, c'est pas grave. Les gens ont compris. Celui qui prête de l'argent, tu ne peux lui nuire, par exemple, en tardant à lui rendre son argent alors que tu as les moyens. Ou alors, créancier, Mumkin. Je connais plus le mot. Al-Muhim. Tu dois de l'argent à quelqu'un, Mathalène, et avec cet argent-là, au lieu de lui rendre, tu vas faire une sadaqa, tu vas faire un acte, et autre, alors que cette personne-là attend son argent. Donc tu l'auras nuit, tu l'auras porté préjudice, donc cela n'est pas permis. Tout comme il n'est pas permis également à celui qui a prêté cet argent, créancier, bon, c'est bien créancier, hein. Tout comme il n'est pas permis au créancier de mettre trop de pression à l'endetté s'il ne peut rembourser la dette. Il doit faire preuve de miséricorde envers lui et lui accorder un délai, prolonger la dette. Et chaque jour de dette que tu prolonges, cette somme que tu as prêtée, tu l'as en sadaka. C'est comme si tu avais fait une sadaka à quelqu'un. C'est compté comme récompense d'une sadaka de cette somme complète. Donc il n'y a que l'avantage à patienter sur les gens endettés qui ne sont pas en mesure de rembourser leur dette. Il dit kazalik fil wasiya dans l'héritage qui n'est pas permis. Par exemple, à la personne qui est sur le point de mourir ou autre, de faire un testament en léguant aux héritiers plus que la part qui leur revient. Parmi les gens qui ont des parts définies, Ashab al-Furud ou Ashab al-Ashaba, il y a des gens qui ont des parts définies dans le Coran, et tu ne peux, par exemple, donner plus à un qu'à l'autre, ou prendre la part de un et la donner à l'autre. Ce n'est pas permis. À la base, chaque part est définie dans le Coran, et après ta mort, chaque personne aura la part définie dans la révélation. Après, ce qui n'empêche pas qu'une personne puisse faire un don à autrui, mais que ce don ne vienne pas à léser les droits des héritiers officiels de base. يقول وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة. كذلك il n'est pas permis à l'époux de porter préjudice à son épouse. Par exemple, en faisant en sorte de la léser pour qu'elle puisse demander le khour et qu'il récupère son mahr. Lui fait exprès, en fait, de lui faire du mal afin qu'elle craque et qu'elle finisse par demander le divorce. Et quand la femme demande le divorce, le khour, elle doit rendre le mahr. Donc lui, il veut récupérer son mahr. Donc il fait exprès de la léser. Il n'a pas le droit de faire cela. Il dit « وَشَدْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقِيعَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَلَتْ وَالْأُمَرَ يغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حقه هو له. Il dit également le fait de faire le tahrij, c'est-à-dire d'aller voir les autorités pour faire du mal à quelqu'un. D'accord? Par exemple, pour que des biens lui soient saisis ou de l'empêcher d'avoir un droit qui lui revient. Tu vas faire le tahrij avec les autorités pour nuire à quelqu'un, injustement. Ça ne l'est pas permis. وقال ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مسيح لما في ذلك من الضرار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il n'est pas permis à la personne qui est malade de se mélanger aux gens qui sont eux en bonne santé. Et on parle de maladies contagieuses, car il pourrait être nuisible pour les autres. Ça vient par exemple à une nuisance qui serait involontaire. Donc celui qui a une maladie contagieuse, maalouma, فَلَا يَحِلَّهُ أَنْ يَخْتَلِدْ بِالنَّاسِ. Il ne lui est pas permis de se mélanger aux gens, car cela causerait des préjudices. Comme par exemple, on l'a vu dans la pandémie de la Covid, Mathalène. Ça, c'est parmi les fatwas de ulama, celui qui sait qu'il a atteint cette maladie. Bon, c'était au début quand on savait, on la pensait plus grave qu'elle ne l'est. D'accord ? Après, au final, on a vu que cette maladie-là n'était pas aussi périlleuse que ce que les gens ont voulu faire croire. Et que plein de gens, ils ont été atteints, ils ne savaient même pas. D'accord ? Et que ce n'a pas été aussi dangereux que cela. Du moins ces jours-ci maintenant. Au début, bon, c'était autre chose. يقول ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أغراضهم والتحريج بينهم فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة. Donc il en est de même de se moquer des gens. Ou de d'entacher leur honneur et leur dignité. Ou de faire la discorde entre eux, comme la namima et autres, de monter la tête les uns contre les autres. Tout cela rend de la nuisance qui est interdite et qui fasse que la personne soit sous la menace d'un châtiment. Et il finit par dire que tous ces jugements vont à l'inverse. Ce mal que tu commets, tu finiras par en payer le prix, tout comme le bien que tu commets, tu finiras par en trouver les fruits. Ça va ensemble. D'accord ? Ça va ensemble. Si tu fais du mal et tu es injuste, tu subis l'injustice. Voire même peut-être par des gens qui, à la base, n'avaient rien à voir avec ton injustice. Tu as fait du mal à quelqu'un, par exemple à ton voisin, tu as fait du zulm, et bien il se peut qu'Allah fasse qu'un autre zalim te tombe dessus d'une autre direction, à ton travail ou dans la rue. Toi, tu vas dire, mais il me fait du zulm, lui. Non, mais c'est peut-être qu'Allah te fait payer un zulm que tu as fait à autrui toi-même, d'une autre façon. Et également, le mal, le bien que tu fais, il se peut que tu viennes aider une personne et que Allah de rétribuer ce bien d'une autre voie que par le biais de cette personne-là, sans même que tu t'en rendes compte. هذا من هذا. نعم. ثم يقول في الحديث السابع عشر. 17e حديث. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est un hadith qui est connu. Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens d'une bonne façon. Apporté par Ahmed au Tirmidhi. Yaqul hadha hadith azimun jama'a fihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-haqqillah wa huquq al-ibad fa haqqullah ala al-ibad ala ibadihi an yattaquhu haqqa tuqatihi fa yattaqu sukhata wa ghadaba Bishinabi al-Manhiyat ou Adal Wajibat. Donc ce hadith vient pour démontrer le droit d'Allah sur ses serviteurs, et les droits des serviteurs également les uns envers les autres. Le don d'Allah Azawajal, c'est qui le craignent comme il le mérite. Que les gens craignent sa colère et son châtiment en évitant les interdits et en accomplissant les obligations. Dans ce hadith, on voit qu'il y a trois parties. Ittaqillah haythu ma kunt, c'est-à-dire crains Allah où que tu sois. Donc là, c'est le droit d'Allah Azawajal. Ou adbi al-sayyat al-hasanat tamhuha. Et fait suivre la mauvaise action d'une bonne, afin qu'elle l'efface. Ça, c'est le droit du serviteur sur lui-même. Et khalik al-nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi bien avec les gens, ça c'est le comportement, le droit du serviteur envers autrui. Il y a le droit d'Allah Azawajal, le droit du serviteur envers lui-même, et le droit du serviteur envers les autres. Yaqul, quand zakar Allah ou khisal at-taqwa fi hadha, fi qawlihi ta'ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. Donc Allah Azawajal a déjà évoqué les caractéristiques de la taqwa dans sa parole lorsqu'il dit que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient et l'Occident, cependant cela consiste à croire en Allah. Il y a qu'aulihi wa ulaika humul muttaqun, et ceux-là sont eux les, on dira les pieux, à la base sont les craintifs. Car la taqwa c'est le fait de craindre. وقال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur équivaut aux cieux et à la terre, et ce paradis a été préparé pour les craintifs, les pieux, le muttaqin. Et cite à différents versets. يقول فوصف المتقين ب بالإيمان بمكامله بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية والصبر في البأساء والضراء وحين البأس بالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم وغير ذلك. Donc il dit que les caractéristiques des gens qui craignent justement, c'est qu'ils ont la foi. La foi avec ses bases. Et les croyances qui s'y accordent et les œuvres qui en suivent, qu'elles soient les œuvres apparentes ou cachées. En accomplissant les adorations, qu'elles soient corporelles ou celles qui soient financières, c'est-à-dire comme la zakat ou celles qui demandent de dépenser, comme faire le hajj et autres. Et la patience lors de l'épreuve. La patience en toute situation. Et de pardonner aux gens. Et également de pouvoir supporter leur mal. De faire face à leur mal. Et être bienfaisant envers eux. Et également, il dit que la personne pieuse, ce n'est pas forcément une personne qui ne fait rien. Car tu seras toujours amené à faire du mal. Mais c'est la personne qui cesse le mal qu'elle fait. Et sait se repentir, en fait. On est obligé de faire des akhtas. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire exprès de s'y adonner et de dire « Ouais, c'est bon, c'est normal que je fasse des khatas. » Tu dois les éviter, mais quand tu les fais, la différence entre le muttaqi et réelihi, c'est que le muttaqi s'arrête et fait tauba. Il ne persiste pas. Et même s'il venait à retomber, il ferait tauba. Et demanderait pardon. Et s'il venait à faire du mal aux gens, il tenterait de réparer ce mal. Par crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. يقول ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه وهو أن يتبع الحسنة السيئة. Donc il a dit comme il est inévitable pour le serviteur de tomber dans les manquements et qu'il ne pourra avoir la taqwa telle qu'elle doit être et de pouvoir accomplir toutes les obligations comme il se doit de façon complète, alors le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné à indiquer comment compléter et combler ce manque. C'est comment, en faisant suivre une mauvaise action par une bonne. C'est-à-dire, la mauvaise action, tu vas forcément la faire. Tu te rends compte ou pas. Tu te rends compte, pour l'effacer, tu la fais suivre d'une bonne. Tu rattrapes le mal que tu as fait en faisant une bonne action. Donc ça, c'est le remède. Si tu peux éviter le mal, alors au moins fais-le suivre par un bien qui l'effacera. وَالْحَسَنَا إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Et le mot حَسَنَا, c'est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce qui permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, souvent, on le traduit par bonne action. D'accord? C'est une bonne action, car la bonne action rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cela. يقول وأعظم الحسنات الدافعة للسيئة التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه نعم وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. Il est parmi les plus grandes actions qui permettent d'effacer justement les mauvaises, la tawbah, le repentir sincère, la demande de pardon, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, son évocation et son amour, c'est-à-dire aimer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir peur de lui, espérer de lui et être avide du bien qu'il peut nous accorder, de sa grâce, et en tout moment. Et cela en faisant les choses qui expient les fautes, comme par exemple les sadaqas ou les actes corporels, comme par exemple le siyam et autres. Toutes les choses qui ont été, elles, décrétées par la législation, pas les choses qu'on invente de nous-mêmes. Il y a des actes qui ont des expiations qui ont été décrétées de façon détaillée. Comme par exemple, lorsqu'on a juré et qu'on on enfreint le serment, quand on a, مثلاً, fait un ordre, un vœu également, et qu'on n'a pas respecté, et autres, plein de situations dans lesquelles il y a des expiations, des kafarat qui sont venues dans la religion explicite. Tu dois faire la chose de telle et telle façon. Yaqul. ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الأدميين وغيرهم وتفريج الكربات وتيسير المعسر وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Aussi, parmi les moyens qui permettent de repousser le mal, les mauvaises actions qui ont été faites, le fait de pardonner aux gens, savoir pardonner à autrui. Et la bienfaisance envers autrui, parmi les hommes et autres, même les animaux. De pouvoir soulager des afflictions et faciliter aux personnes en difficulté. D'accord ? Et également repousser les nuisances, comme on l'a pris dans le hadith précédent. Éviter de rendre les choses difficiles pour les gens. Dans le sens où Allah a dit que la bonne action efface les mauvaises. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit, par exemple, parmi les choses qui expient les fautes, les cinq salawat qu'on fait de jour et de nuit, ainsi que ce qu'il y a entre chaque jumu'a, chaque vendredi, et entre chaque ramadan, toutes ces choses-là viennent pour expier les fautes, les péchés, tant que les grands péchés sont évités. Donc ce hadith-là concerne les petits péchés. Car les grands péchés, eux, ont besoin d'une tawbah. Et certains sont liés à des règles. Quand cela, par exemple, concerne les droits des gens, il y a des règles. Également. يقول ومما يكفر الله به الخطايا. Parmi les choses qui permettent également d'expier les fautes, il y a les épreuves que l'on subit. D'accord ? Comme encore là. فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله عنه به أو بها خطاياه. Donc il dit, par exemple, car le croyant n'est atteint de soucis, de tristesse, ou même d'une douleur causée par une simple épine, sans que Allah Azzawajal ne lui explique par cela des fautes. D'accord ? Cela lui explique des fautes. Donc le mal qui touche le muslim dans ce qu'il n'aura pas provoqué de lui-même, cela amène à ce que ses fautes soient expiées. Et cela est un signe pour lui dire de revenir vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc les maladies, la perte de proches, ou les épreuves, des choses qui nous touchent malgré nous, et face auxquelles on patiente et on recherche la récompense, cela expie les fautes et apporte une grande récompense pour celui qui se rappelle. Naam. Puis, il finit le hadith en citant le bon comportement dont on doit faire preuve avec les gens, avec autrui, en rendant les droits aux gens, en empêchant notre propre mal de les atteindre, ou le mal des autres. An-nasiha, prodiguer le conseil. Al-amr bil ma'aruf wa an-nahy 'anil munkar, l'ordonnance du convenable et la prohibition du blâmable. Et al-zalika, et surtout al-da'wa ila Allah azza wa jalla, les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala de façon concrète et réelle, et avec le savoir. Comme il dit, وَبَشَشَتَ الْوَجْهِ, avoir un visage épanoui devant les gens. Sourire autant que possible quand on peut le faire. Avoir des paroles douces, même parfois plaisanter, il a dit, mais sans excès. قال, وَإِنَّمَا الْمَزَارِ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ إِنْ عُدِمَهْ أَوْ زَادَ عَلَى حَدْ فَوَ مَذْمُومِ. Il a dit, l'exemple de la plaisanterie, c'est comme le sel dans la nourriture. Il faut le mettre à juste dose. Si tu en mets trop, ou tu n'en mets pas assez, bah, la nourriture elle a un mauvais goût. Donc, هذا نعم. Donc voilà en gros, اختصاراً ما أخذنا من هذين الحديثين, ce qu'on a appris en résumé de ces deux hadiths aujourd'hui. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.